Que le Chili de Pinochet, pire que l'Argentine des généraux. Tel a été le Guatemala pendant près de 40 ans, soumis à une dictature militaire féroce et meurtrière. 150 000 morts, 50 000 disparus, des chiffres effarants cités par M. X la semaine dernière. J'ai vérifié depuis, ce sont en effet les chiffres avancés par des observateurs impartiaux comme les enquêteurs des Nations Unies. Mais la première responsabilité incombe aux États-Unis qui ont encouragé et soutenu financièrement les tueurs et les tortionnaires. Ici, je ne fais pas preuve d'anti-américanisme puisqu'un président états-unien, Bill Clinton, a reconnu lui-même l'implication de son pays dans cette atroce répression conduite au nom de la lutte contre une prétendue guerre contre la subversion communiste. Un argument qui avait déjà été utilisé en 1954 lorsque la CIA avait fomenté un complot pour chasser le président guatémaltèque Arbenz, coupable de vouloir promouvoir une réforme agraire qui aurait lésé les intérêts de la puissante compagnie nord-américaine, la United Fruit. Alors oui, il faut encore mettre en cause la CIA et ses sales méthodes. Et nous verrons que la condamnation publique de ces actes illégaux aura une incidence sur les événements tragiques du 11 septembre 2001. Quand nous avons interrompu notre conversation samedi dernier, M. X abordait un aspect assez méconnu de cette affaire guatémaltèque, l'envoi de missionnaires et prêcheurs protestants conservateurs destinés à lutter contre l'Église catholique jugée trop progressiste. Autant d'ecclésiastiques qui vont soutenir, consciemment ou pas, la croisade contre la subversion, c'est-à-dire l'anéantissement des guérillas par la force et la terreur. Avec X. En 1976, on aura une illustration particulièrement éclatante des tentatives de pénétration des églises protestantes au Guatemala. 1976, c'est l'année où le pays est frappé par un terrible tremblement de terre. Les pentecôtistes, mais aussi tous les autres conservateurs, se précipitent aussitôt. D'accord, ils viennent en aide aux populations meurtries, mais ce n'est pas tout à fait innocent. Oui, c'est vrai qu'ils en profitent pour les convertir. Naturellement, on verra même les télé-évangélistes américains comme Pat Robertson remplir les stades du Guatemala. Et pour tous, le message est clair. Dieu a permis ce tremblement de terre pour punir les impies. C'est-à-dire les catholiques et les opposants au régime militaire. Oui, c'est très clair. Et vous verrez qu'un peu plus tard, lors de l'élection d'un président protestant, le général Rios Montt, la connivence entre les églises protestantes et la dictature se fera encore plus intense. Et pourtant, ce Montt sera sans doute un des dictateurs les plus sanguinaires qu'ait connu le Guatemala. Mais enfin, nous en reparlerons. Ouais. On en reste donc provisoirement là, sur cette histoire des religions. Oui, malgré les coups qu'elles ont reçus et qu'elles continuent de recevoir, les guérillas ne renoncent pas à se battre. Ils s'en créent même de nouvelles. L'armée de guérillas des pauvres, par exemple, elle s'est entraînée au Chiapas, voisin. Ouais, au Mexique, donc. C'est ça. Au Mexique, où les Indiens ne sont pas moins exploités qu'au Guatemala. En 1975, cette armée des pauvres, plutôt d'inspiration marxiste, va se faire connaître de façon très spectaculaire en exécutant un riche propriétaire terrien, le tigre d'Ixcan, comme on l'appelait, tant il était réputé pour mener la vie dure à ses ouvriers agricoles qui étaient pratiquement contraints au travail forcé. Les ouvriers agricoles mayas, j'imagine. Oui, vous avez raison de souligner ce point, car c'est principalement dans les régions peuplées de mayas, c'est-à-dire la population la plus pauvre et la plus exploitée, que les guérillas sont implantées. Oui, parce qu'elles y vivent comme un poisson dans l'eau, pour reprendre l'expression de Mao. Oui, mais ça coûtera très cher à ces paysans. La répression. Bien sûr. Et faute de trouver les combattants qui auront réussi à s'enfuir à temps, les militaires s'en prendront aux populations civiles. Ouais, n'allons pas trop vite. En 1977, lorsque Jimmy Carter entre à la Maison Blanche, on va noter une réelle diminution de l'aide militaire accordée au Guatemala. Au nom des droits de l'homme. Et de la morale. Le président qui s'est fait communiquer quelques dossiers de la CIA est horrifié par ce qu'il découvre. Et encore, ne doit-on pas lui livrer les documents les plus sensibles? Toutefois, on assiste sur le terrain à une réelle accalmie. Un rapport de l'ambassade américaine signale que le président guatémaltèque s'est engagé à faire plus d'efforts en matière de respect des droits de l'homme. Mmh. Mais dites-moi, cette cessation-là de l'aide militaire états-unienne doit provoquer de sérieux remous parmi les généraux guatémaltèques. Ah, c'est certain, ouais. Les militaires qui pouvaient disposer sans compter de matériel américain sont furieux. Ils ne sont pas les seuls. Au sein de la CIA, on manifeste aussi son mécontentement à l'égard de ce président mou. Mou. Carter. Oui. Mou et laxiste. Heureusement, Reagan va lui succéder et le changement de ton va être radical. Oui, on reprend les vieilles habitudes. Naturellement, ça ne tarde pas. Dès le mois d'avril 1981, c'est-à-dire 3 mois après l'entrée en fonction de Ronald Reagan, un rapport secret de la CIA arrive à Washington. Il fait état d'un massacre de paysans. Que s'est-il passé exactement ? Le scénario est malheureusement classique et se répétera des dizaines, des centaines de fois. L'armée affirme qu'une de ses patrouilles aurait été attaquée par une unité de cette guérilla des pauvres dont je vous ai parlé. Pourquoi ce conditionnel que vous... Ah ben parce que bien souvent, les militaires inventeront purement et simplement des prétextes pour justifier leurs attaques contre les villages mayas. Quoi qu'il en soit, aussitôt après cette attaque au cours de laquelle un officier et quelques hommes de troupes auraient été tués, l'armée se livre à des représailles. Des parachutistes entrent dans le village d'où seraient originaires les rebelles et ils tirent sur tout ce qui bouge. Mmh. Combien de victimes, hein? Bon, le rapport parle d'un très grand nombre de victimes, c'est tout. Mmh. Et est-ce qu'à cette époque, l'aide américaine a recommencé? Officiellement, non. Mais les militaires guatémaltèques savent déjà qu'une franche collaboration avec les États-Unis ne tardera pas à reprendre. Ouais. Par conséquent, ils pensent qu'ils peuvent agir en toute impunité. Oui, c'est ce que je crois. Et Reagan adressera très vite un signal fort au Guatemala en y envoyant l'un de ses proches, le général Vernon Walters, qui, soulignons-le, c'est un ancien dirigeant de la CIA. Ouais, alors effectivement, c'est très clair. Hein. Et dès l'année suivante, l'aide militaire au Guatemala est officiellement rétablie. C'est une décision d'autant plus grave que la Maison-Blanche sait parfaitement à quoi s'en tenir sur les intentions des généraux guatémaltèques. C'est-à-dire ? L'armée a décidé de mener une opération de grande envergure sur les hauts plateaux dans la province del Quiché, là où, selon toute vraisemblance, de nombreux guerrieros sont regroupés. Mais une opération de grande envergure, là, ça signifie quoi exactement ? Ben, un nettoyage systématique. Et l'on sait ce qu'en termes militaires cela veut dire. Un rapport de la CIA récemment déclassifié et daté de 1982 précise qu'au cours de cette opération, les militaires se livreront certainement à de nombreux excès et que beaucoup de villages seront détruits. En effet, l'armée a reçu l'ordre de considérer comme hostile toute la population d'une agglomération où elle rencontrera une opposition. Ouais. Alors, la présence d'un seul guérillero supposé permet donc d'arrêter et d'éliminer tous les villageois. C'est ça. Et il en est ainsi à Panzos, une agglomération de la province de Quiché. 100 indigènes sont tués. Lorsque les survivants, afin d'exiger une enquête sur ce massacre, occuperont l'ambassade d'Espagne, l'armée guatémaltèque ne fera pas de quartier. Elle attaquera le bâtiment et y mettra le feu. Malgré la protection diplomatique? Oui, une trentaine de Mayas périra, dont le père du futur prix Nobel de la paix, Rigoberta Menchú. Et l'ambassadeur n'aura la vie sauve qu'en sautant par une fenêtre. Quant au seul survivant indien, il sera enlevé de son lit d'hôpital et assassiné. Et tout cela avec l'approbation de la Maison-Blanche, si je vous comprends bien. Oui, c'est certain. Parce que Washington avait les moyens d'interdire ces exactions et ces massacres en faisant pression sur le gouvernement guatémaltèque qui était alors à sa solde. Le Guatemala va donc vivre une période de terreur inimaginable. Et ça va confiner à la folie lorsque ce général Rios Montt, dont je vous ai parlé, devient président. Mmh. Il est élu, Jalua ? Oui, mais c'est une fiction. Seul un militaire peut être officiellement candidat. Ça simplifie les choses. Ouais. Quant aux partis, ne sont autorisés que ceux qui se réclament de la droite et du centre-droit. Voyez donc quelles sont les limites de la démocratie guatémaltèque. Et qui est ce Rios Montt ? Un dangereux extrémiste doublé d'un fou de Dieu. Un joli portrait. N'est-ce pas? Je n'exagère nullement. Montt est un fidèle d'une sorte de secte protestante, l'église du Verbe, elle-même filiale d'une église californienne implantée au Guatemala après le terrible tremblement de terre de 1976. Prédicateur, à l'occasion, Montt n'hésite pas à dire qu'il est président par la volonté de Dieu. D'ailleurs, pour les protestants guatémaltèques, l'élection de Montt apparaît comme un signe de la divine providence. Mais pourquoi ? Parce qu'elle intervient 100 ans exactement après l'arrivée du premier missionnaire protestant au Guatemala. La coïncidence ne peut être donc fortuite. Et les églises protestantes vont être largement impliquées dans ce qu'on appelle pudiquement la pacification. Oui, la pacification, ça rappelle les souvenirs. Ouais, hein, vous avez raison, c'est le nom qu'on donnait à la guerre d'Algérie. Alors, on peut donc craindre le pire. En effet, à peine élu, ou plutôt désigné président, Montt abolit la constitution. décrète l'état de siège et envoie à ses troupes affectées à la répression des guérillas un message clair. Vous avez entière liberté pour arrêter, détenir, interroger tous les présumés combattants que vous trouverez. Et vous pourrez vous en débarrasser à votre guise. C'est pratiquement un appel au meurtre. Ouais. Et les militaires guatémaltèques ne vont pas se priver d'appliquer ces consignes à la lettre. On estime que pendant l'année et demie de règne de Monte, 100 assassinats et 40 enlèvements se produiront chaque semaine. Et 400 villages seront rasés. C'est incontestablement la période la plus meurtrière et la plus sanglante de cette longue guerre civile. Et les victimes sont les paysans mayas. Et c'est pourquoi il est légitime de parler de crimes et de génocide. C'est tout un peuple que les militaires veulent exterminer ou chasser de leurs terres traditionnelles. Oui, une purification ethnique en somme. Ouais, c'est ça, oui. Et comme les Américains au Vietnam, le pouvoir va créer des hameaux stratégiques où l'on regroupe sous bonne garde des habitants qu'on endoctrine, qu'on coupe de leurs racines traditionnelles et qu'on engage à lutter contre les guérilleros. De la même façon, des milices autochtones sont créées et on les engage à dénoncer leurs frères et même à s'engager dans le combat. Enfin, le pire n'est pas encore venu. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire encore de pire ? Rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine passée. Le Guatemala a été une sorte de laboratoire de la guerre antisubversive. Eh bien, on va en avoir un exemple particulièrement édifiant dans une base aérienne de l'armée. Caramba, mi amor, vous avec X. Génocide, a dit Monsieur X. Et c'est ce qu'établit un rapport en 1999, rapport établi par plus de 200 observateurs réunis au sein d'une commission internationale d'enquête historique. Voici comment le journal espagnol El País en rend compte. Aucun pays d'Amérique latine n'a enregistré plus de cas de violation des droits de l'homme que celui-ci. Si l'on en croit les statistiques, le Guatemala bat tous les records, confie le Norvégien Christian Tomuchat, coordinateur général de la commission d'enquête. L'État guatémaltèque avait toujours figuré en tête des listes noires recensant les violations des droits de l'homme, mais la commission créée par les signataires des accords de paix l'accuse officiellement de rien moins qu'un génocide. C'est en effet ainsi qu'il convient de qualifier les actes de destruction systématique perpétrés par l'armée entre 1981 et 1983 contre les Indiens des départements de Huehuetenango, Quiché et Baja Verapaz dans le nord-ouest du pays. Le rapport ne désigne pas nommément les responsables, mais la chronologie est suffisamment éloquente. Cette période correspond à la fin du régime du général Lucas Garcia, 1978-1982, et à toute la durée du mandat du général putschiste Efraín Ríos Montt, 1982-1983, qui a lancé la politique de terre brûlée pour étouffer les foyers de rébellion. Pendant ces années, les groupes mayas sont devenus les principaux ennemis intérieurs de l'armée, qui les considéraient comme des alliés naturels de la guérilla. C'est ainsi qu'a commencé l'anéantissement des mayas par phase logique et cohérente. Dans la région des Mayas, Ixil, au nord-ouest, par exemple, entre 70 et 90% des villages ont été détruits. Comme plus tard en Argentine, dans la sinistre école de mécanique de la marine, la base aérienne de Retalhuleu devient un gigantesque centre de torture. Et on y applique les méthodes recommandées par la CIA dans un petit document intitulé hypocritement Manuel de formation pour l'exploitation des ressources humaines. C'est bien dit, mais c'est un manuel de torture. Oui, je ne vous donne qu'un exemple, et il est suffisamment édifiant. Les prisonniers étaient enfermés dans des puits remplis d'eau. Pour ne pas se noyer, ils devaient s'accrocher en permanence aux grilles situées au-dessus d'eux. Et quand épuisés, ils lâchaient, c'était la mort assurée. Ensuite, les corps étaient jetés dans des fosses communes sur lesquelles on coulait du béton. Ces fosses ont été retrouvées ? L'une, au moins, oui. Mmh. Mais est-ce qu'on sait à l'extérieur du Guatemala que ces horreurs sont perpétrées ? Oui, on en a une petite idée. Et depuis longtemps. Mais je pense que personne ne soupçonne l'ampleur des massacres. De véritables oradours, comme a pu l'écrire l'un de vos confrères. Et quand Amnesty International dénoncera les exactions commises par les militaires... s'accrocher en permanence aux grilles situées au-dessus d'eux. Et quand épuisés, ils lâchaient, c'était la mort assurée. Ensuite, les corps étaient jetés dans des fosses communes sur lesquelles on coulait du béton. Ces fosses ont été retrouvées? L'une, au moins, oui. Mmh. Mais est-ce qu'on sait à l'extérieur du Guatemala que ces horreurs sont perpétrées? Oui, on en a une petite idée. Et depuis longtemps. Je pense que personne ne soupçonne l'ampleur des massacres. De véritables oradours, comme a pu l'écrire l'un de vos confrères. Et quand Amnesty International dénoncera les exactions commises par les militaires guatémaltèques, le département d'État américain répliquera en accusant l'organisation non gouvernementale d'être complice d'une campagne de désinformation orchestrée par les communistes. Alors même qu'à Washington, on ignorait rien. Évidemment. Songez que des dizaines de milliers de guatémaltèques passeront dans ce sinistre camp de torture. Ça ne pouvait pas passer inaperçu des types de la CIA et même des diplomates américains en place. Il faut ajouter que dans le même temps, Washington accroîtra encore son aide financière aux tortionnaires guatémaltèques. Mmh. Devant tant d'excès, on doit se demander si les guérillas représentaient un véritable danger pour le régime en place. Ah, ça, c'est le cœur de la question. Certes, devant cette offensive militaire sans précédent, les guérillas vont bientôt s'unir. Mais elles ne mettront jamais le pouvoir en difficulté. En 1982... on estime que les guérilleros ne représentent tout au plus que 2000 hommes, alors qu'en face, il y a des dizaines de milliers de soldats, sans compter ces milices d'autodéfense mises en place par les militaires. Des supplétifs, oui. En outre, il faut tenir compte du fait que la population, hélas, sont les civils qui paient le tribut le plus lourd, car les guérilleros sont incapables de les protéger. Et en battant en retraite devant l'armée, ils abandonnent ces villageois dont beaucoup d'ailleurs préfèrent fuir et passer au Mexique par centaines de milliers. Au Chiapas. Oui, et ce qui jouait autrefois en faveur des guérillas, la répression brutale entraînant mécaniquement les populations dans la guerre civile n'opère plus tant les Mayas ont déjà souffert. Alors, pour répondre à votre question, non. La guérilla ne représente plus un danger pour la dictature militaire. Et pourtant la répression continue. Et d'abord, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle a pris une coloration ethnique. C'est désormais une lutte contre les Mayas. Mais ce n'est pas tout. Cette guerre prétendument anti-subversive justifie la militarisation du pays où l'armée est un état dans l'état. Bref, les militaires guatémaltèques ont besoin de cette guerre atroce pour asseoir encore un peu plus leur pouvoir. Alors, au fond, c'est une sorte de cycle sans fin. Eh oui, l'armée se nourrit de la guérilla, et vice-versa. Mais c'est un jeu de dupes où la guérilla perd régulièrement, et de plus en plus. Car malheureusement, cette guerre tourne au désastre pour la guérilla et les Mayas. Mais les forces civiles, elles existent bien au Guatemala. Bien sûr. Il y a en particulier le Parti démocrate chrétien, mais il est complètement afféodé aux militaires. Et toujours au nom de la lutte contre la subversion. Naturellement. Ouais. La grande affaire, c'est la sécurité et la peur d'une révolte maya. Et pour ça, on fait confiance aux généraux et autres colonels. La meilleure preuve, c'est que lorsqu'un civil, un démocrate chrétien, sera élu en 1985, il accordera sa confiance aux militaires. Mais j'allais vous dire, pouvait-il faire autrement? Non, ça je ne pense pas. D'autre part, ce régime bâillonne complètement l'opposition politique et sociale, pour la plus grande satisfaction du patronat local qui soutient avec ferveur l'armée. Dans ces conditions, toute esquisse de vie démocratique est impossible, même si sous la présidence de ce civil, Vinicio Cerezo, on assistera au premier pourparler avec la guérilla unie. Après 30 ans de guerre civile. Oui, ouais, mais ces pourparlers seront interrompus à plusieurs reprises et ne déboucheront sur un processus de paix que beaucoup plus tard. Toutefois, l'amorce de négociations n'empêchera nullement les atrocités de se poursuivre. Ouais, pendant les négociations, les massacres continuent. C'est malheureusement la vérité, oui. Mmh. Mais pour bien illustrer le caractère machiavélique de ce pouvoir, je voudrais vous raconter une histoire étonnante et exemplaire, celle d'un jésuite nommé Luis Pellicer. C'est un homme très engagé et qui courageusement a pris le parti des victimes des militaires. Il est en particulier très apprécié dans les milieux étudiants. Oui, donc il dérange. C'est certain. Un jour donc de juin 1981, ce jeune ecclésiastique est enlevé en plein cœur de Ciudad de Guatemala. Il est extrait de sa voiture et il disparaît. Deux mois plus tard, un autre jésuite est victime de la même mésaventure. On ne le reverra jamais. Mais il se dit que ce deuxième ecclésiastique aurait eu la malchance d'apercevoir Pellicer dans un hôpital de la ville. Pourquoi dans un hôpital? Pellicer avait été sérieusement blessé au cours de son enlèvement. Et il aurait perdu une grande partie de ses dents. Il a été passé à tabac, c'est ça? Vraisemblablement, oui. Mais comme les militaires avaient besoin de lui, il aurait subi des soins dentaires. Besoin de lui, qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu de patience. Je vais essayer de vous expliquer. Deux chirurgiens dentistes ont été appelés à son chevet. Mais tous les deux auraient refusé de lui donner des soins sous le contrôle des militaires. Ces deux praticiens disparaîtront à leur tour. Un troisième dentiste est appelé. Il répare donc la denture de Pellicer mais il subira le même sort que ses confrères. Pourquoi ? Parce que il aurait pu parler ? Bah, c'est probable. Mm-hmm. Ça paraît quand même... Peut-être. Disproportionné. Ouais, peut-être, ouais. C'est ainsi que ça s'est passé. Et ça montre l'importance que les militaires attachaient à cette opération. Et ensuite, alors, que s'est-il passé ? Eh bien, comme par miracle, Pellesser reparaît fin septembre. 3 mois après, donc. Et pas n'importe où. Devant les caméras de Canal 5, la télévision de l'armée. Il tient une conférence de presse devant le gratin de la capitale. Et à ses côtés se tient le ministre de l'Intérieur. Et que dit-il à ce Pellesser ? Ben d'abord, il reconnaît qu'il a été membre de cette guérilla des pauvres dont je vous ai parlé. Ensuite, il accuse plusieurs associations laïques ou catholiques de faire cause commune avec la subversion. Et comment explique-t-il sa disparition momentanée, hein ? Ben, il évoque sans rire un auto-enlèvement. Ah, ça veut dire qu'il se serait enlevé lui-même ? Oui, une disparition qui lui aurait permis de réfléchir et y voir plus clair. Et donc de rompre avec ses idées antérieures. C'est ça, oui. Autant vous dire que cette spectaculaire conférence de presse a un énorme impact. Les milieux catholiques en particulier sont troublés par cette soudaine conversion de Pellesser à la cause contre-révolutionnaire. Mais alors, cette conversion, comme vous dites, là, comment a-t-elle pu être obtenue ? Vous vous souvenez du film de Costa Gavras, L'aveugle ? Ah oui, tout à fait. Oui. Eh bien, les spécialistes du renseignement guatémaltèque ont utilisé les mêmes méthodes, torture physique et psychologique, alternance de bons et de mauvais traitements, injection de psychotropes, lavage de cerveau, etc. Et Pellesser a fini par craquer, et à se rallier à l'idéologie de ses bourreaux. Il deviendra même un propagandiste acharné de la cause des militaires. Contre ses anciens amis. C'est effrayant. Hein. Je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, nous, Français, avions ouvert la voie. Combien de militants FLN ont-ils été retournés par nos spécialistes de l'action psychologique de la même façon ? Enfin, passons. Au Guatemala, les choses vont quand même commencer à changer au début des années 90. Et pour quelles raisons, précisément ? Ah bah parce que les militaires vont commettre 2 graves erreurs. Des erreurs qui concernent directement les Américains. En 1994, l'Église catholique publie un gros rapport sur les exactions des militaires, rapport intitulé « Guatemala, jamais plus ». Un chapitre est consacré au cas du jésuite Pellesser et à la torture psychologique qui lui a été infligée par un certain colonel Menaldo. Je vous en lis un extrait. Les tortionnaires se partagent entre durs et doux. Avec ces derniers, le prisonnier noue très souvent une relation de dépendance qui le rend plus vulnérable aux pressions, aux exigences et aux normes de ses tortionnaires. Il peut devenir davantage influençable par la propagande et la nouvelle idéologie. Cette technique de rééducation, qu'on a parfois appelée lavage de cerveau, peut conduire le prisonnier à une lente et progressive métamorphose. Ce qui lui répugnait devient bon et peu à peu il troque ses anciennes croyances contre celles de ses bourreaux. La séquence est la suivante. Torture, amabilité. Torture, enseignement et propagande. Entraînement à la nouvelle idéologie. Et pour finir, période de suralimentation et forte chaleur humaine, l'individu est traité en convalescent. Le détenu peut se comporter en fanatique et se prêter à des objectifs politiques absolument contraires, mais vient généralement le moment où le prisonnier rebelle finit par reconnaître ses erreurs. Il en détaille les causes, il exagère même sa culpabilité, anxieux qu'il est d'en finir avec le cycle des mauvais traitements. Toutes ces techniques, qui sont consignées dans les manuels de formation aux interrogatoires, sont un échantillon du subtil usage de la psychologie et de la psychiatrie pour provoquer la souffrance comme moyen d'atteindre des objectifs politiques ou militaires. En 1990, un an après la chute du mur, la guerre froide est vraiment terminée. Et on pourrait s'attendre, puisque la menace communiste a disparu, à ce que Washington cesse d'entretenir de coupables relations avec les tortionnaires guatémaltèques. Mais ce n'est pas ce qui se produit. Pas immédiatement, en tout cas. Et il faut 2 affaires qui touchent les Américains de très près pour que les États-Unis rompent avec les militaires du Guatemala. Quel genre d'affaires ? En 1990, un citoyen américain, Michael Devine, qui tient un hôtel-restaurant, est abattu par un commando de plusieurs soldats. Et que lui était-il reproché ? Exactement, je ne sais pas. Mais au Guatemala, il ne fallait pas grand-chose pour susciter l'hostilité des militaires. C'est peut-être d'ailleurs une affaire de lourd commun. car les soldats guatémaltèques vont être de plus en plus impliqués dans le trafic de drogue. Mmh. Et la deuxième affaire ? Deux ans plus tard, un chef guérillo, Bamaka, alias le commandant Evarardo, disparaît. Comme le jésuite la Pellicer. À la différence que lui, on ne le reverra jamais. Officiellement, l'armée prétend qu'il a été tué au cours d'une bataille rangée opposant ses soldats à la guérilla. Et au fond, l'affaire aurait pu en rester là, tant il y a eu d'exemples semblables. Mais il se trouve que Bamaka a épousé une jeune américaine, une juriste diplômée de Harvard, Jennifer Arbury. Et la jeune femme n'entend pas se contenter de l'explication donnée par l'armée. Ah oui, alors elle va se battre pour connaître la vérité. La vérité qui est, comme vous pouvez l'imaginer, que Bamaka a été enlevée, torturée, puis supprimée. Jennifer est décidée à remuer ciel et terre pour connaître le sort qui a été réservé à son époux et punir les coupables. Elle fait des grèves de la faim, tient des conférences de presse, assiège la Maison Blanche où Bill Clinton s'est maintenant installé. Soutenue par l'opinion publique américaine, elle fait tant et si bien qu'elle oblige l'administration états-unienne à réagir. Clinton condamne publiquement le meurtre et réclame un châtiment pour les coupables. Enfin, c'est loin d'être fini. Mais que peut encore espérer Jennifer Arbery ? Les militaires guatémaltèques ne vont quand même pas livrer le ou les coupables. Hein. C'est évident. Mais l'affaire prend soudain des proportions exorbitantes. Un élu américain démocrate, un certain Terry Celli, a un tuyau. L'homme qui a commandité l'assassinat de Bamaka, mais aussi celui de Devine, est un certain colonel Alpirez. Or, ce type est un agent de la CIA. La Maison Blanche est informée et la nouvelle est rendue publique. Alors, c'est un scandale. Et aussi une cascade d'événements vont avoir des répercussions énormes. La CIA, accusée nommément, reconnaît que le colonel est effectivement l'un de ses agents. Mais elle nie toute implication dans ces deux meurtres. Un démenti qui ne fait guère illusion. Car un journaliste du New York Times démontre que l'administration des États-Unis connaissait l'affaire depuis longtemps. Clinton, coincé, ordonne donc une enquête poussée. Sur la CIA ? Et ses entorses à la légalité. Le rapport publié en 1996 est accablant pour la centrale américaine. On lui reproche d'avoir entretenu des liens avec des individus répugnants. Répugnants ? Ouais, on stigmatise ses violations systématiques des droits de l'homme et ses actions illégales. Bref, c'est une véritable tornade qui souffle sur les services secrets états-uniens. Mais, sans me souvenir que la CIA avait déjà était gravement mise en cause au milieu des années 70. C'est exact, oui. Et la centrale accusée de malversation et même d'avoir organisé des attentats contre les chefs d'État étrangers avait été sérieusement étriée. Son contrôle par le Congrès avait été alors renforcé. Non, il faut donc penser qu'on n'était pas allé assez loin. Je ne le crois pas, oui. Un service secret, pour être efficace, ne peut pas étaler tous ses dossiers sur la place publique. Non, je crois surtout que sous la présidence de Ronald Reagan en particulier, la CIA a été encouragée à reprendre ses mauvaises habitudes. Et donc, en 1996, ça se traduit par des sanctions. Forcément. On procède à un sérieux lessivage et des centaines d'agents ou d'informateurs sont écartés ou licenciés. Mais aucun responsable ne sera poursuivi. Hmm. Le grand nettoyage s'arrête aux frontières des États-Unis. Oui, mais c'est là que se produit le grand virage de la politique du renseignement américain. Pour éviter à l'avenir que la CIA ne soit mouillée dans des histoires embarrassantes, on va peu à peu abandonner le renseignement dit U-Mint. C'est-à-dire le renseignement humain. Oui, ça. On profite du renseignement technique. Technique, c'est-à-dire technologique. Les écoutes. Oui, le fameux réseau échelon. Là. Et c'est une des raisons pour lesquelles la CIA, mais aussi les autres services américains, ne verront rien venir avant le 11 septembre 2001. Oui, enfin, il y a aussi d'autres raisons, vous l'avez dit il y a peu de temps. Bon, donc tout ça, quand même, à cause en partie de l'implication de la CIA au Guatemala. Et de son soutien aux tortionnaires et aux autres massacreurs. Mais vous le savez, Clinton, avec un certain panache, reconnaîtra publiquement les crimes commis au Guatemala. Oui, des mots, hein. Certes, des mots qui n'effacent pas les 200 000 morts et disparus de cette sanglante guerre civile, dont plus de 90% sont uniquement imputables à l'armée guatémaltèque. Et le pire, c'est que ce n'est sans doute pas fini malgré les accords de paix qui ont été signés en 1996 entre le pouvoir et la guérilla. Les partisans de la terreur n'ont pas renoncé. Vous avez des exemples, hein ? Ils sont, hélas, nombreux. Le poison de la violence est sans doute le plus difficile à extirper. En 1998, l'évêque de Ciudad de Guatemala rend public un rapport sur les exactions de l'armée. Deux jours plus tard, il est assassiné devant son domicile. Par qui ? Par des militaires ? Oui, des hommes qui feront l'objet d'un procès en 2001. Un procès sous forte tension. Les juges sont menacés, les témoins disparaissent. Bref, la justice ne peut être rendue équitablement. Car certains magistrats prennent peur et préfèrent démissionner ou même s'exiler. Donc l'armée est toujours très puissante. Oui, elle dispose toujours de tueurs à sa solde. En 2001, on a observé 19 assassinats politiques, toujours des militants progressistes ou des membres d'organisations humanitaires. Et en 2000, c'est le trésorier de la Fondation du prix Nobel de la paix, Rigoberta Menchú, qui est assassiné. Rigoberta, qui doit être la bête noire de ces militaires. Hein. Bien entendu. Elle vit la plupart du temps en exil. Et surtout depuis qu'elle a déposé une plainte devant la plus haute instance juridique espagnole. Une plainte contre les exactions de l'armée guatémaltèque ? Oui, et elle s'est appuyée non seulement sur un rapport établi par la Commission Vérité des Nations Unies, mais aussi sur l'histoire de sa propre famille. Son père, je vous l'ai dit, est mort carbonisé dans l'ambassade espagnole, mais deux de ses frères ont été assassinés et sa mère a été torturée. Rigoberta Menchú est d'autant plus déterminée que le bourreau des années 80 a refait surface. C'est-à-dire là, ce général fou, là, Ríos Montt ? Lui-même. En 2003, il a même été élu à la présidence du Parlement. Et il a eu le culot d'être candidat à l'élection présidentielle à la fin de l'année dernière. Il n'a pas eu peur de s'afficher comme le candidat des pauvres contre les riches. Résultat ? Bon, il a été battu au profit d'un homme qui représente les milieux d'affaires. Autant dire que les Indiens mayas, qui représentent 60% de la population guatémaltèque, ne sont pas prêts de voir leurs revendications satisfaites. Enfin bref, la démocratie avance. Mais reculons. Il en sera ainsi tant que tous les fantômes de la guerre civile continueront à rôder dans ce petit pays. Le journaliste du Figaro, François Otter, a suivi la dernière campagne présidentielle au Guatemala. Il rejoint les derniers commentaires de M. X, remarquant que dans les réunions électorales, il n'y avait pratiquement pas de mayas, il note. Les oligarchies financières traditionnelles et les milieux populistes, souvent corrompus, proches de l'armée, continuent de se disputer les leviers du pouvoir. Aucun candidat, durant les 2 mois de campagne électorale, n'a évoqué les 2 cancers de la société. D'abord la ségrégation raciale, ahurissante, qui s'accompagne d'un gouffre des revenus entre les Indiens mayas les plus pauvres et ceux qui tiennent l'économie du pays. Ensuite, la rapide montée en puissance du trafic de narcotiques, avec ses effets corrupteurs sur l'armée et la classe politique. Et le journaliste de citer un chiffre effarant. En 2001 et en 2002, on a compté plus de 8000 crimes par an au Guatemala. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et la réécouter aussi dans la nuit de dimanche à lundi dans l'émission de Brigitte Carnel.